Les nuits de France Culture, nuit spéciale, la France mystérieuse. Alors une nuit légitimement commencée en compagnie de Marie-Charlotte Delmas, à qui l'on doit la parution chez Omnibus d'un dictionnaire de la France mystérieuse, sous-titré « Croyances populaires, superstitions, sorcellerie, rites magiques ». Les mystères, la superstition, tout cela illustré évidemment par les archives suivantes dans cette nuit de France Culture spéciale. Une visite de la grotte de Montespan, effectuée en 1945 en compagnie d'un spéléologue, Norbert Casteret, puis une matinée des autres consacrée au loup-garou par Roland Huguet. Et puis à l'instant cet appel d'air de Marie-Hélène Fraissé et ce portrait de Claude Seignol et de ses enquêtes de terrain. Bonsoir Grégoire Solotareff. Bonsoir Philippe Garbi. Alors avant de vous demander si la France mystérieuse a pu influencer, la France mystérieuse en soi comme ça en général, a pu influencer votre écriture et vos dessins et avant cela marquer peut-être votre inquiétude d'enfant, qui sait, avant de vous interroger pour savoir tout cela, si, ben voilà, peut-être les loups-garous, puisqu'on a parlé de loups-garous. Est-ce que ça, vous aimez les loups-garous ? J'aime bien les images de loups-garous. Mmh. Les gravures anciennes, gravures du 19e des loups-garous, j'en vois encore. Ils sont peut-être trop humains pour vous. Vous préférez les loups ? Ah, ils sont assez loups quand même. Oui. Hein. Ils sont assez mauvais et pas mal. Bon, alors je vais vous donner le programme de la nuit. Dix heures ici, Claude Métra nous parlera de la Mandragore, alors grâce à une nouvelle d'Achim von Arnim. Puis, changement de décor, nous partirons pour le bocage et ses rituels d'envoûtement, sans doute. En tout cas, en 1998, Françoise et Céloron avaient recueilli différents témoignages que je vous conseille d'écouter, Grégoire Solotareff. Puis, nous recevrons Roger Brunet, qui fait paraître au CRS édition Trésor du terroir, les noms de lieux de la France. Et puis la nuit se terminera par l'invocation d'êtres étranges, mystérieux et urbains. En 1967, Madame Ziegler et Jacques Yonnet parlaient sur France Culture de l'histoire de Paris. Alors vous savez, Jacques Yonnet, c'est l'auteur de Rue des Maléfices. Et c'est un livre extraordinaire. Je vous conseille aussi, Grégoire Solotareff, d'écouter cette émission. Alors vous, qui êtes né en Égypte, d'un père d'origine libanaise, d'une mère d'origine russe, qu'est-ce qu'est la France mystérieuse ? La France mystérieuse, c'est d'abord tous les ans en Bretagne, depuis que je suis né à peu près, qui est un endroit plein de mystères. Et c'est vrai que aussi les récits de ma mère, assez russes, assez plein de sorcières et de méchants. Et donc, qui ont naturellement nourri une enfance pleine d'histoires. Alors, c'était quoi la Bretagne, par exemple? C'est la Bretagne, c'est la Bretagne en hiver, parce que on a vécu aussi en hiver en Bretagne. C'est mystérieux. D'abord, le paysage, les brouillards, les forêts, les brouillards, même si c'est près de la mer. Et donc, il y a une atmosphère comme ça. Et puis, des récits de personnes âgées, de sorcellerie récente, en fait, sur l'histoire, assez récente et assez passionnante pour les enfants. Et dans la Russie, alors c'était quoi les contes que la Russie, c'est voilà, la Russie, c'est aussi l'image de la sorcière, la Baba Yaga russe, qui est un personnage de forêt, hein, très près de la nature, et j'aime beaucoup la nature, je suis très attiré par tout ce qui est les animaux, les plantes, etc. Et donc j'ai l'impression, enfin en recherchant un peu une raison pour laquelle on fait les choses, c'est vrai que ce personnage de sorcière est à la fois une espèce de passage entre l'humain et la nature. Et aussi probablement, enfin j'y pense là, mais c'est pas forcément ça, mais inconsciemment une personne âgée qui ne meurt pas, en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça du passage vers la mort sans la mort, hein. Mmh. C'est quelqu'un d'éternel, mais qui représente une grand-mère riche de l'histoire, etc. Que je n'ai pas eu, puisque je n'ai pas connu de grand-mère. Pas de babouchka. Non, pas une bavouche. Alors, Grégoire Solotareff, oui, parce que vous êtes là pour ce dictionnaire des sorcières. On a pu en parler avec Marie-Charlotte Delmas. Mais vous, quand même, vos sorcières, parce qu'il faut dire que tous les parents de France et du monde entier connaissent vos dessins et vos histoires abominables. Abominables parce que très souvent cruelles de petits lapins et poursuivis par des loups, et parfois des lapins qui sont pas poursuivis par des loups mais qui sont très tristes. Je pense à Ne m'appeler plus jamais mon petit lapin, mais il y a d'autres aussi, quand le méchant petit prince, Loulou plus fort que le loup, Loulou à l'école des loups. Vous êtes très très loup. Oui, je suis assez loup. Enfin, j'aime bien détruire un peu les icônes d'une manière générale. Et c'est vrai que le loup, c'est le mystère. C'est le mystère de la forêt, c'est le danger, c'est donc l'aventure, en fait. Alors, ces histoires sont souvent drôles, bien entendu, publiées toutes à l'école des loisirs, mais très poignantes aussi. Alors, on apprend que si les vieux lapins aiment les sorcières, c'est parce qu'elles les font beaucoup rire en essayant de les attraper. Ça, c'est dans le dictionnaire des sorcières, donc publié cet hiver à l'école des loisirs. Donc, voilà, on commence dans le désordre. J'imagine que les enfants, quand on les voit lire vos, en tout cas, pas les albums, mais un dictionnaire, ils font comme tout le monde, comme toute personne fait avec un dictionnaire, on feuillette et on prend un peu. C'est pour ça que je fais dans le désordre, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas mis d'ordre alphabétique, c'est parce que ça a aucune importance. C'est un faux dictionnaire, donc. C'est un faux dictionnaire. Enfin, cela dit, un dictionnaire n'est pas nécessairement alphabétique. Mais celui-là, elle est particulièrement parce que les sorcières détestent l'ordre. Hein, tout le monde sait ça. Et puis, elles peuvent le détruire. Elles sont là pour ça aussi. C'est des vieilles dames, vous le dites, qui ne meurent pas. Parce qu'en effet, on a toujours un peu peur que les personnes âgées que l'on connaît, qui nous paraissent très âgées, Grégoire Solotareff, meurent. Ces sorcières-là, ne meurent pas, mais elles sont quand même ridicules. Oui, elles sont un peu ridicules, mais tout le monde est un peu ridicule. À mon avis, donc, c'est vrai que rendre les méchants ridicules, c'est un peu mon travail. Oui. Alors, comment faites-vous à ce moment-là pour inventer quoi, une centaine de sorcières? Une centaine. Alors, pour rendre ridicules les choses qui sont nécessaires, qui sont pas forcément ridicules au départ. Ou pour les fréquenter déjà, parce que ces sorcières, vous les avez rencontrées, on comprend très bien que c'est autobiographique. Alors, on rencontre tous les jours, vous aussi, je vous prie, j'en suis certain. Non, c'est la façon de regarder les gens, bon, démystifier déjà, c'est rire de quelque chose. Hein. Et donc, plus c'est sérieux, et plus ça fait peur, et plus c'est angoissant, plus il faut en rire. C'est la seule façon, je pense, de se débarrasser d'angoisse. Mais chaque page, c'est habile, Grégoire Solotareff, parce que chaque page dessinée nous montre une sorcière, quand même, qui pourrait faire peur. Enfin, ça dépend de l'âge des enfants, bien entendu. Mais dans le texte, vous ne notez pas la méchanceté de ces sorcières. Simplement, ça, en quelques lignes, finalement, ça peut être détruit. C'est-à-dire qu'il y a le mauvais œil, l'œil mauvais, mais bon, il suffit d'inverser les termes, finalement, et puis de préciser que souvent, elles échouent, c'est parce qu'elles sont un peu bêtes. Oui, c'est ça. Vous inquiétez l'enfant et vous le rassurez. Oui, c'est ça qui est bien. En fait, au fond, je pense qu'il faut inquiéter et rassurer. Et rassurer, en tout cas, quand moi, il y a un grand maître de l'inquiétude pour enfants qui est Tommy Ungerer, immense dessinateur, mais qui reste inquiétant, parce qu'il a un côté germanique quand même, que je n'ai pas du tout. Et voilà. Et donc, moi, j'aime bien rassurer à la fin. Mais inquiéter, ça veut dire poser une question, en fait. Alors, quelles sont les questions essentielles, les métaphysiques que nous posent ces 100 et quelques sorcières? Alors, il y en a certaines qu'on peut se poser tous les jours sur la relativité des choses, d'abord. Est-ce que les choses qui ont l'air inquiétantes le sont vraiment? Est-ce qu'en regardant quelque chose d'inquiétant, on ne peut pas y trouver quelque chose de drôle plutôt? Quelque chose de moche, peut-être plutôt drôle que rébarbatif. Voilà, détourner les choses, ça m'amuse aussi. C'est ce qui m'amuse, en fait. Alors, quelle idée d'avoir dessiné une centaine de sorcières et finalement pas de sorciers? Parce que vous dites dessiner une sorcière, si, ce n'est pas sorcier. Il y en a une sorcière. Ah, c'est le dessinateur. Donc, si j'ai bien compris, au seul moment où on voit un homme, donc un sorcier. Oui. C'est un dessinateur, non ? C'est un dessinateur, non, pas spécialement, mais c'est juste pour jouer avec le mot sorcier, mais non, il y a un sorcier, il y a aussi un monsieur la sorcière, comme il y a madame le ministre. Mais alors, ils ont, vous dites dessin chronométré fait en 17 secondes 28 centièmes, c'est vrai ? Alors, en somme, vous avez dessiné... Oui, c'est vrai, c'est chronométré. Oui, c'est même... Pour ce dessin-là, triangulaire, un sorcier, que l'air gentil, finalement. Très rapide, oui. Oui, très rapide. Mais avec quelle sorcière pourrait-il vivre ? Alors, justement... les sorciers et les sorcières, le sorcier n'est pas le mari de la sorcière. Ah bon? Non, ça c'est parce que ils sont suffisamment insupportables les uns et les autres pour pas pouvoir vivre ensemble, donc ils ne se marient pas et c'est un masculin de dénomination uniquement. Finalement, le vrai complice ennemi de la sorcière, c'est le loup. Le loup. Oui. Pourquoi? Le loup parce que il fait peur. Parce qu'il fait peur, et au fond, c'est le rival de la sorcière, parce que à la fois il fait peur, mais on l'adore. Oui, et donc ils ont le même profil rival. Aussi. Vous les dessinez l'un l'autre de profil, l'œil blanc, avec le blanc de l'œil très blanc, et puis un chapeau pour l'une, des grandes oreilles pour l'autre. Ils sont interchangeables, en fait. Ils sont assez interchangeables, surtout dans le noir. Et les enfants préfèrent quoi ? Les loups ou les sorcières ? Alors, je sais pas. Je crois que les petites filles sont assez sensibles aux sorcières parce que c'est l'image, quand même, une image féminine. Et il y a une idée aussi de grand-mère évidente, etc. Et de peut-être d'identification dans un certain sens, pourquoi pas. Et les loups... Enfin, je pense que ces deux personnages de la forêt, qui sont les points de mire en fait d'histoire occidentale classique, et au fond, ça représente, c'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas de notion directement, le loup, ça peut être l'adulte d'une manière générale. Comme peur, comme danger, comme question. La sorcière, c'est plutôt la personne âgée et aussi maléfique qui jette des sorts, qui a un pouvoir comme ça. Le loup n'a pas de pouvoir, c'est presque un danger physique plutôt qu'un danger spirituel. C'est-à-dire que c'est quand même un dévoreur. C'est un dévoreur. Mais c'est pas un intellectuel. Non, c'est pas un intellectuel. Mmh. Alors, vous dites que vous voulez rassurer Grégoire Solotareff, c'est-à-dire que vous vous inquiétez puis vous rassurez. Mais quand on lit donc dans ce dictionnaire des sorcières l'article, si j'ose dire, observé, voilà. Lorsqu'un lapin vous regarde d'une manière un peu bizarre, profitez-en pour l'observer et notez les petits détails qui pourraient vous faire penser qu'il s'agit en fait d'une sorcière déguisée en lapin. Attention. Et ça se termine. C'est vrai que maintenant, si on regarde les petits lapins qui ont l'air si gentils, mais finalement, tous les lapins ont été transformés par des sorcières ou c'est des sorcières transformées en lapins? Ça dépend. Il y a de tout. On rencontre absolument de tout. On rencontre des gens qui ont l'air très sympathiques et qui font des grand sourire et même des promesses et qui le sont beaucoup moins finalement. Alors, Grégoire Solotareff, qui avez-vous, enfin, passer à la phase maintenant d'Ivan, qui avez-vous rencontré de si terrible, de si tragique, de si méchant dans votre vie pour vous complaire finalement, pour notre grand plaisir de lecteur ou d'ancien enfant? Alors, en fait, pas grand monde. Pas grand monde de vraiment atroce. J'ai le souvenir d'un proviseur épouvantable dans mon lycée, le lycée international de Saint-Germain-en-Laye, dans les années 60. Ne soyez pas plus précis, parce que ça donnerait son nom. Et je me souviens d'un personnage assez terrifiant, au fond, bien que j'étais grand. C'est l'image pour moi de la gratuite, de la méchanceté gratuite et de l'injustice. Mais sinon, dans ma vie, des gens qui m'ont fait peur, pas tellement. En fait, non. La petite enfance, non. Et aujourd'hui, vous ne vous promenez pas dans la France mystérieuse, donc pour reprendre le titre de ce livre de Marie-Charlotte Delmas, en vous disant quand même, ces gens ont l'air bizarres. Non, mais je me souviens de cette collection de chez Chou sur le guide de la Bretagne mystérieuse, par exemple. Ou le guide de Paris mystérieux, etc. Cette petite collection très belle. Noire, un peu de... Noire, ou même en couleur, mais c'était des gros livres en tissu, allongés comme ça. Et on avait ça dans la bibliothèque de mes parents. J'aimais bien lire les articles sur les mystères de telle et telle région, les lieux dits, ça me plaisait beaucoup. Ah, vous pensez quand même que tout cela, on peut imaginer peut-être que c'est de l'invention. En tout cas, que ça a servi beaucoup, que le mystère, la croyance populaire, la superstition, la sorcellerie, les rites magiques, tout ça ont une grande importance, évidemment, dans l'histoire de l'humanité. Mais maintenant, vous êtes un grand garçon, nous sommes dans un siècle absolument intelligent. À la superstition, c'est quand même l'imagination. C'est quand même, et c'est vrai que l'imaginaire, et puis tout ce qui est, en fait, au fond, je pense que c'est la poésie des histoires pour enfants, c'est plus dans le mystère que dans la beauté indicible d'un poème de Baudelaire. J'ai l'impression que on confond souvent aussi dans la littérature jeunesse la poésie en tant qu'affichée, qui est d'un ennui profond en général, et puis le discours décalé qui est de l'ordre, pour moi, enfin, le plus important, c'est celui de l'ordre du mystère. Mais quand vous vous promenez en France, si tant est que vous promeniez en France, Grégoire Solotareff, et que vous voyez un beau paysage, vous avez tout de suite envie de voir au-delà de ce beau paysage des pratiques anciennes, mais pas si anciennes que ça, qui sait, où l'on se faisait beaucoup de mal aux gens, où l'arbre, tout ça, c'est pas si doux que ça va l'air. Non, c'est un paysage mystérieux et pour moi plus attirant qu'un paysage pas mystérieux. C'est une plage, c'est très beau, etc., les palmiers, tout ça, mais une forêt est bien plus impressionnante et bien plus attirante. Alors, on y voit peut-être des chiens de sorcières dans ces forêts. Il faut se méfier parce que les chiens des sorcières sont, malgré leur tête, toujours gentils et ils ne mordent jamais car les sorcières ne leur interdisent rien. Mais alors que, curieusement, les chiens des fées sont très polis et assez malheureux, car trop bien élevés, ils sont méchants. Les fées ont des chiens méchants, les sorcières ont des chiens gentils. Oui. Toujours rassurés, hein, et inquiétés. Et inquiétés, et puis aussi, c'est vrai que les chiens bien élevés sont des chiens qui ont peur, donc ils sont méchants. Et les chiens qui ont le droit de tout faire, en général, sont plutôt bienveillants, donc gentils. Alors vous nous conseillez, donc quand on voit qu'un chien peut être méchant, il ne faut pas le regarder, ça on sait, il ne faut pas avoir peur de lui. Mais si on croise une sorcière, Grégoire Solotareff, ça arrive, hein, quand même. Ah oui, alors souvent, en ville ou ailleurs, que doit-on faire, comment doit-on agir? On lève votre petit livre rouge, là, carré, dictionnaire des sorcières, et la sorcière s'en va tout de suite ou non? Il faut lui parler. Il faut faire semblant de s'apercevoir de rien. C'est ça qui est important. Pourtant, elle a une langue bleue violacée et collante. Oui, mais il ne faut pas faire attention. Ça, c'est... Il y a même des gens qui ont des cheveux violets. Tout ça n'a aucune importance. Il faut faire comme si de rien n'était. Enfin, donc, c'est une épreuve de la croisée, mais le principe, c'est de rendre gentils les gens qui ont une tête un peu bizarre. Non, c'est pas de rendre gentil, c'est de trouver leur côté gentil, plutôt. Mais vous pensez que le talent que vous avez comme auteur, comme dessinateur, comme scénariste, comme metteur en scène, c'est une fée qui vous l'a donné, ce don, ou c'est une sorcière? Vous préféreriez quoi? C'est les deux. On a en général deux grands-mères, donc deux sorcières, au fond. Ah bon? mais vous n'avez pas eu deux grands-mères, donc alors. Non, j'ai eu. En fait, elles ont existé. Je les ai pas connues, mais il y avait leur image. Donc il y avait comme chez chacun des images, des côtés mystérieux, des côtés sombres. Et puis des côtés féeriques, sûrement. Alors vous avez beau nous dire qu'on ne sait toujours pas pourquoi les enfants aiment les sorcières, qu'aujourd'hui encore il n'y a aucune réponse à cette question. Je ne sais pas, ça vous l'avez écrit, mais peut-être que vous savez en fait, vous avez la réponse. Pourquoi aime-t-on les sorcières Pourquoi alors on aime autant les sorcières? Elles sont ni sympathiques, elles veulent les kidnapper, les enfants. Et puis, les manger. Et puis, on les aime malgré tout. Alors, c'est quoi? Pourquoi ces enfants vont vers les sorcières? Ils vont pas vers les sorcières, mais disons que il faut qu'elles existent. C'est plutôt ça. On n'est pas attiré par les sorcières, mais on est attiré par le danger qu'elles représentent. Vous avez fait vos études de médecine, vous avez été médecin, Grégoire Solotarev, avant de vous consacrer à l'écriture et au dessin et au cinéma. Est-ce que vous avez rencontré, dans l'exercice de votre profession, des patients qui se croyaient victimes d'un mauvais sort, par exemple? Ah oui, j'ai les grands paranoïaques ont l'impression d'être entourés de sorcières, c'est clair. Et que leur avez-vous dit? Alors, c'est un peu délicat de leur parler parce que il y a aucune façon de les convaincre que ça n'existe pas. Et donc, il faut simplement les rassurer. Et dans un premier temps, parce que ça peut prendre des proportions considérables. Mais disons que les gens, il y a beaucoup de gens qui croient que, non pas aux sorcières, mais qui croient qu'on leur veut du mal. Ça arrive, on voit ça tous les jours. Et au fond, c'est une construction qui est une forme d'angoisse comme une autre. Quelquefois, ça prend des proportions terribles. Et je pense que en prenant de l'âge, ces choses-là prennent des proportions énormes. Est-ce que vous pensez que c'est un héritage de siècles de superstition, enfin en France ou dans tous les pays du monde, bien entendu, mais que finalement, cette paranoïa-là, enfin, une sorte de paranoïa pourrait s'expliquer par les ancêtres qui ont tellement cru que le voisin pouvait tuer tous les animaux simplement par un geste, un claquement de doigts ou un signe cabalistique ou autre. Et puis on porte, je crois que même dans les familles les plus normales, entre guillemets, on porte des secrets. Il y a des secrets et je pense que ces secrets sont comme au fond des esprits. Et c'est ça qui fait que il y a des histoires terribles dans les familles. Je pense que c'est ça, sur les secrets de famille, les choses qui ne sont pas dites, qui sont bien plus importantes que celles qui sont dites. Alors autant d'essayer de faire un catalogue des choses horribles, comme ça, passe de méchant. Enfin vous, Grégoire Solotarev, c'est pas le médecin qui a publié ce dictionnaire des sorcières à l'école des loisirs, c'est pour les enfants. Peut-être pourriez-vous écrire un dictionnaire des paranoïas ou des paranoïaques? Ah oui, non, ça c'est... Mais c'est fascinant. La folie est fascinante. Mais vous n'inquiétez pas les enfants, là. Vous n'en faites pas des futurs paranoïaques, vous êtes sûr? Je crois au contraire. Au contraire, je pense que c'est chasser toutes ces choses-là et en rire. Elles ne reviendront pas au galop. Non, j'espère. Bon. Eh bien, merci Grégoire Solotarev. Donc, on rappelle, Dictionnaire des sorcières, c'est publié à l'école des loisirs. Et pour le plaisir, on peut rappeler aussi toutes les histoires. Jeanne et Jean, le chat rouge, un loup, Loulou. Loulou à l'école des loups, Loulou plus fort que le loup, et puis le terrible Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin, donc publié aux éditions, également aux éditions de l'école des loisirs. Merci. Voilà. Alors, cette nuit spéciale France mystérieuse se poursuit. On va entendre donc 10 heures ici par Claude Métra, un changement de décor consacré au récit du bocage par Françoise Celeron. C'était une émission diffusée en 1998. On aura ensuite donc un entretien avec Roger Brunet qui viendra nous parler de trésors du terroir, les noms de lieux de la France, parce que les noms de lieux disent beaucoup aussi sur les superstitions, sur les croyances populaires, la sorcellerie. Et puis, eh bien, terminera par cet entretien de Madame Ziegler et Jacques Yonnet qui parlaient de l'histoire de Paris. Et là aussi, à Paris, il s'en passe de drôle.